Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OST, l'émission qui vous parle de jeux vidéo, mais surtout de musique de jeux vidéo. On est ravis de vous retrouver et de repartir ensemble pour une nouvelle saison. Avec moi en studio, Emeline est toujours là, fidèle au poste. Bonjour Emeline. Salut Romain. Pour cette rentrée, on vous propose une émission un peu spéciale. Alors, vous vous demandiez peut-être d'où vient notre générique. Eh bien, il s'agit d'un compositeur de musique de jeux vidéo qui est à l'origine de ce morceau. Ce monsieur, nous l'avons interviewé pour vous, afin d'en apprendre un peu plus sur ce métier peu connu. Xavier Dang, connu aussi sous le nom de Mr. MV, a été compositeur de musique ambiante et de musique de jeux vidéo de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Il est actuellement streamer, c'est-à-dire qu'il anime et commente ses parties de jeux vidéo en ligne. Vous allez pouvoir entendre notre entretien avec un musicien peu ordinaire, ponctué de quelques morceaux de sa composition. Xavier Dang, bonjour. Bonjour. Donc on est ensemble pour parler du coup de ta carrière de compositeur de musique de jeux vidéo, n'est-ce pas, l'activité que tu as fait donc pendant quelques années. On va commencer du coup en plusieurs parties. Et la première, c'est plutôt une biographie, surtout pour savoir en fait comment tu es devenu musicien et ensuite compositeur. Ah. Donc la question, elle est un peu vague évidemment, mais du coup comment tu es venu à la musique, tout simplement? Alors comment je suis venu à la musique? Alors j'ai toujours été passionné de musique, non pas vraiment, j'ai été passionné de musique, de jeux vidéo dans un premier temps, comme un bon gros geek, bien chiant, c'est-à-dire je jouais beaucoup à des RPG, des jeux de rôle, l'époque dorée de Squaresoft et Enix à l'époque sur Super Nintendo, donc les musiques de Final Fantasy, les Zelda, les Metroid, plein de choses m'ont fasciné, et je jouais beaucoup d'heures par jour. Ensuite, à cause de moult soucis familiaux, personnels, j'étais en échec scolaire, donc j'ai un parcours scolaire assez chaotique. Et du coup, en 1997, à mes 17 ans, car je suis un vieux monsieur, j'ai commencé à me lancer un petit peu dans la reproduction de musique en MIDI. Il y avait des sites à l'époque tels que vgmusic.com qui proposait, et je crois qu'il existe encore d'ailleurs, qui proposait des archives assez énormes de milliers de fichiers MIDI. Donc à l'époque, voilà, tout le monde avait une connexion merdique en modem, donc télécharger des MP3 c'était un peu du luxe. Mm-hmm. Donc j'ai commencé par faire ça mollement, j'avais refait quelques musiques de Final Fantasy VII, de Goemon Fight, etc. Et en 1998, j'ai découvert sur IRC une petite communauté qui utilisait des trackers pour faire de la musique, donc des programmes assez old school qui étaient utilisés depuis l'époque de l'Atari, de l'Amiga et ensuite sur PC. Et en gros, qui étaient révolutionnaires au milieu des années 90 et fin des années 90 parce qu'ils permettaient d'utiliser des vrais sons dans la musique plutôt que de passer par les sons MIDI d'une carte Sound Blaster par défaut qui coûtait très cher à l'époque. Et donc ça permettait justement d'avoir l'illusion d'une musique produite alors qu'on était comme des clodos à composer sur un truc pourri et faire un morceau en 600K maximum. Mais du coup, c'était génial. Et du coup, j'ai découvert cette communauté qui était spécialisée dans la reproduction de musique de jeux vidéo et ensuite qui organisait plein de compétitions pour faire des musiques. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à passer plusieurs heures par jour, par nuit, à faire de la musique, mais tout en autodidacte, parce que hélas, à part mes cours de flûte de 6e, je n'avais aucune notion de solfège ou de théorie musicale. Thank you. T'as pas eu, entre guillemets, d'éducation musicale, conservatoire, etc. La voix classique Non, aucune. Je m'y suis même pas mis depuis. Et ça reste un regret, parce que même si, évidemment, certains diront qu'être autodidacte, ça permet de ne pas avoir de frontières, etc. C'est vrai que ça me manque, parce que ça permet justement, dans les moments de vide ou les moments de doute, de tout de suite savoir exactement ce qui peut marcher. Enfin, j'arrive toujours plus ou moins à me débrouiller. Ensuite, je suis quelqu'un d'assez paresseux, mais bon, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont permis de m'entraîner à travailler vite. Donc, j'arrive à produire des choses assez vite, mais je n'ai pas vraiment de processus. C'est-à-dire que je peux commencer par n'importe quoi, la basse, la mélodie, la batterie, peu importe. Donc, j'arrive à m'en sortir, mais il y a des moments... Ça, c'était un énorme problème lors des premières années, vu que j'étais un musicien d'ambiante à la base, donc une musique qui est surtout... une musique d'introspection relaxante où on peut se permettre de rester toujours sur la même progression d'accords pendant 8 minutes. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à musique de jeux vidéo, c'était problématique parce que justement, voilà, il fallait que je module, que j'arrive à faire évoluer la mélodie, à faire évoluer les accords. Et ça, ça a été un travail de longue haleine et un acharnement pour moi parce que c'était difficile justement. Je me disais pas, ben, je suis sur tel accord majeur, donc je peux basculer naturellement vers cet accord-là et je vais obtenir quelque chose d'entraînant. Non, c'était du coup à l'oreille et essayer de m'adapter parce que maintenant j'ai des bases, mais des bases sur lesquelles je ne peux pas poser de mots. C'est juste... Je sais que cet accord va marcher, mais je ne sais même pas ce que c'est, sauf si voilà, je décrypte quelle note c'est. À ce moment-là, oui, d'accord, c'est, j'en sais rien, c'est un mi-septième, on s'en fout. Mais je n'ai pas la terminaison et je n'ai pas la connaissance qui me permet de me dire, bon, bah, si j'ai cet accord-là, j'ai ces options-là derrière pour que ça rebondisse. Donc ça reste à l'oreille et forcément, bah, si on a une oreille ou un esprit plus fatigué, c'est un peu plus de la débrouille, quoi. D'accord. Ouais, c'est voilà. Là où tu parles qu'il y a, il y a peut-être un apprentissage que tu pourrais peut-être faire ou que tu aurais dû faire avant sur quelque chose de solfégique. Ouais, exactement. Disons que ça, voilà, ouais. ça faciliterait le processus et ça permet aussi, je pense, si vraiment on pousse cet apprentissage à sortir aussi des habitudes qu'on obtient en tant que compositeur. C'est-à-dire on a des gimmicks, on a des salmanies qui vont revenir... des séquences mélodiques, des façons de procéder, des façons de faire des breaks, il y a des choses qui reviennent. Ce qui est bien aussi parce que ça définit son style, mais des fois on peut tomber dans le piège de la répétition, on va dire. Ouais. Voilà. Donc oui, ça aiderait pour ça. Thank you. J'adore faire du chiptune, de la Nintendo NES aussi. Moi, en fait, et j'ai même fait à l'époque des morceaux avec restriction Amiga ou même des morceaux où on n'utilisait qu'un canal audio. Où justement, quand tu n'as qu'un canal audio, tu joues d'astuces pour faire croire qu'il y a plus de canaux alors que tu n'en as qu'un. Tu cales énormément d'arpèges, tu cales la percussion pile poil quand il faut. Et entre la percussion, tu cales 40 milliards de notes de musique pour qu'on croit qu'il se passe quelque chose alors que c'est l'enfer. Et du coup, j'aime bien bosser avec les restrictions parce que... Par exemple, sur un morceau de Nintendo NES, pourquoi tout le monde se souvient de Mario, de Zelda, etc. C'est que du coup, tu as deux canaux de mélodie, un canal de basse, un petit canal de percussion. Et du coup, l'idée musicale, elle doit tout de suite exploser, la mélodie, elle doit être présente. Donc, sans les artifices, tu dois captiver l'oreille. Donc, c'est intéressant de bosser avec très très peu de canaux, en fait. T'as le droit de choisir sur n'importe quel studio à qui travailler pour une bande-son, pour un jeu. Est-ce qu'il y en a un, il y a un studio qui deviendrait avec qui travailler, que ce soit indépendant, AAA. Un studio de jeu? Ouais, un studio de développement avec qui t'aimerais vraiment collaborer, en fait. J'aimerais bien bosser avec Jonathan Blow. Ouais. Parce que intellectuellement, il me fascine, il m'effraie presque. Enfin, il a ce côté un petit peu vieillard zen, mais... Mais des fois, il a des sorties mystiques avec vraiment des analyses très très intéressantes sur le milieu. Et puis, que ce soit Braid ou The Witness, je trouve que même si la plupart peuvent penser que c'est pompeux, etc., je trouve que c'est intéressant, c'est fascinant. Et malgré le fait que ce soit des jeux de puzzle, il arrive quand même à en dégager une atmosphère, une émotion. La BO de Braid est sublime d'ailleurs. Vraiment sublime. Bah, j'étais allé sur je sais plus comment ça s'appelait, Magna quelque chose là. Tous les artistes venaient d'un espèce de label indé bizarre où on pouvait acheter des albums, mais sublime. Tous les artistes sont ouf, beaucoup de femmes d'ailleurs. Et The Witness aussi a une très très belle bande son. Et ouais, lui, enfin oui, je pense que ça serait une expérience parfois traumatisante, mais ça serait intéressant de réussir à pouvoir satisfaire ses exigences. Du coup, donc, t'as appris à l'oreille de manière autodidacte, donc déjà tourné vers les jeux vidéo donc depuis le début, en fait, ce qui fait que tu t'intéresses à la musique, etc., c'est plutôt par ce biais-là. Quand est-ce que, en fait, tu t'es dit, bon, bah, maintenant, je vais vraiment faire ça de manière professionnelle et gagner ma vie avec ça? C'est venu au fur et à mesure quand j'ai commencé justement à faire beaucoup de compétitions d'une heure où on se regroupait et on avait une heure pour faire des musiques avec des sons définis que voilà, quelqu'un bricolait un pack de sons, le balançait et tout le monde pendant une heure se mettait à doser de la musique avec ce pack de sons. On le redonnait à celui qui organisait la compétition, qui le mettait sur un FTP, tout le monde téléchargeait tous les sons. Et ensuite, chacun votait anonymement, donnait son top 10 à l'organisateur. Et à la fin, on avait un classement. C'était super drôle. Et ça, j'en ai fait au fur et à mesure des années en plus de 1000. Donc, j'ai fait plus de 1000 morceaux comme ça, composés en moins d'une heure. Du coup, ça, c'était génial parce que ça m'a appris à travailler super vite. Et aussi, ça m'a appris, on s'en fout, il n'y a pas d'enjeu. Donc, je vais essayer de faire du jazz alors que je ne sais pas en faire. Je vais essayer de faire de la techno. Je vais essayer de faire un morceau à la Mario. Je vais essayer de faire plein de choses. Ça m'a beaucoup aidé. À partir du moment où j'ai fait beaucoup de ces choses-là, je me suis dit, essayons. Et vu que j'étais dans une communauté qui faisait beaucoup de musique de jeux vidéo, j'étais aussi avec des gens qui faisaient du jeu vidéo en indé, du style des jams ou bien des compétitions en ligne, style Verge et compagnie, où on avait 72 heures pour faire un jeu. Donc du coup, ils avaient besoin de personnes comme ça qu'ils allaient attraper au pif sur IRC. Vas-y, fais-moi trois musiques pour mon jeu. Et en fait, donc voilà, j'ai commencé comme ça, et c'est là que je me suis dit, vu que je commençais à faire plein de choses pour des petits projets indés qui ne valaient rien, mais du coup, tu commences à placer tes graines, tu dis, bon ben, ces gens-là, c'est des devs, peut-être qu'un jour, ils vont avoir un poste, et puis moi, ça m'intéresserait. Et puis, au fur et à mesure, j'avais posté aussi voilà, des audio-folios, entre guillemets, des books sur plein de forums. Ça n'a mené vers aucun taf, bizarrement. Les tafs, je les obtiendrai justement par d'autres biais. Sur combien de projets tu dois bosser en même temps, en tant que compositeur de musique de jeux vidéo, pour que ça te rapporte un salaire décent ? Selon si on bosse avec des indépendants, selon si on bosse sur une production, sur une console portable ou du téléphone mobile, ou si on se dirige vers de la console nouvelle génération ou de la télé, les tarifs changent vraiment. Si on bosse avec des indépendants, par exemple, pendant très longtemps, surtout à cette époque où le marché était saturé, il y avait plein de musiciens qui acceptaient, un petit peu comme les graphistes, de bosser gratuitement en se disant que c'était normal, mais du coup c'était terrible parce que ça faisait effondrer les prix du marché et plus personne voulait payer pour quoi que ce soit. En gros, le tarif, à l'époque, l'idée, si on était pro, sur une production de console actuelle, donc à l'époque PS2, etc., c'était selon son expérience de demander entre 1 000 $ et 2 500 $ la minute de musique. Très rarement appliqué, mais l'idée, en fait, c'est que bah, c'est facile de se dire, après, voilà, un japonais en freelance qui va obtenir la bande-son du prochain Final Fantasy et qui va devoir faire 4 heures de musique, on peut s'imaginer du coup voilà, qu'il va se faire énormément d'argent. Mais la réalité, c'est que pour des jeux sur console portable, sur téléphone, etc., en gros, c'était entre 1 000 et 4 000 $ le contrat. Mais ce qui n'était pas si mal, vu que je bossais très vite, si on me donnait 3 semaines pour faire une bande-son, il est déjà arrivé qu'avec, bah, par exemple, Jake Hoffman à l'époque, on faisait les cons sur IRC tous les soirs, on faisait des compètes, et puis les 48 dernières heures, on se disait « Merde, on a quand même une bande-son à faire, bordel !» Et du coup, on la faisait. Et du coup, bon, paradoxalement, bah, ça faisait 3 000-4 000 balles pour 48 heures effectives de travail. En fait, ça paye bien, mais c'est vraiment un milieu d'élus, quoi. Il y a peu de place. Chez les AAA, il n'y a quasiment pas de place. Ils ont forcément des gens placés ou bien des composeurs in-house qui bossent chez eux. Donc en indépendant, on peut vivre très convenablement avec un job correct par mois. Mais le tout, c'est de le trouver. Et pour le trouver, il faut déjà se faire un carnet d'adresses. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 2-3 boîtes qui dépendent de vous et qui vont vous contacter, quoi. Si ça se faisait par PayPal ou à l'arrache, je te fais un RIB, je veux même pas de facture. Ça se faisait très régulièrement. Maintenant, ça doit être un petit peu plus contrôlé. Mais il m'est arrivé des histoires de fou. Hein. Ça m'est arrivé, par exemple, j'ai fait la bande-son de la version mobile de Geometry Wars, qui était un jeu qui avait cartonné sur Xbox Live Arcade à l'époque. Donc le jeu était fait par Blizzard et produit par Sony. J'ai été contacté dans les 24 dernières heures en mode ah, le mec nous a lâché, fais tout, donc j'ai tout fait. Moi à l'époque, j'étais en train de créer ma boîte, je leur ai dit bon, bah payez-moi par PayPal, ce sera pas plus mal. Mais qu'on fait ouais, d'accord, ok. Et au final, j'ai jamais été payé pour ce truc-là, donc j'ai tout fait sur Geometry Wars, mais j'ai pas été payé alors que c'était. Je l'avais fait tout à l'arrache, je leur avais sauvé leur plan. Et c'était 1 500 balles, un truc comme ça, mais ouais, ça fait mal au cul. Ouais, c'était pas ouf. Donc, non, c'était vraiment... C'est magouille. C'est du ghetto, mais ça se voit partout. Hein. Quand tu travailles, en fait, à quel moment, justement, bon, là, t'as parlé de Sony qui t'appelle 24 heures avant, mais d'habitude, dans un projet, on va dire, stable et réglo, c'est à quel moment, en fait, on t'appelle vraiment en avant, ou t'interviens à quel moment, en fait, dans le développement du jeu? Alors, en fait, si on est amis avec les développeurs ou si c'est vraiment une équipe indé qui place de l'importance, beaucoup d'importance à la musique et qui a éventuellement besoin de musique dynamique, on va être contacté assez tôt. Mais la réalité, souvent, en fait, sur des petits projets ou des projets vraiment qui cherchent la rentabilité à tout prix, souvent la réalité c'est que le jeu se fait le jeu se fait, il est budgété par rapport aux développeurs, etc. Puis ah merde, vite, il nous faut un artiste quand même, il nous faut une direction artistique, donc voilà. Puis à la fin, bon, zut, il reste 3 mars, 100 balles et un paquet de cahuètes, on a oublié le Zikos. Donc voilà, et en général, le musicien est contacté sur le tard, vraiment sur le dernier rush. Et voilà, il faut enfourner des musiques de stage, quelques effets sonores. Mais ça arrivait très régulièrement, oui, que je bosse sur le tard, tard dans la production du jeu, avec 3 screenshots, très peu de choses. Donc ouais. Souvent des conditions un peu nulles, chaotiques. Humainement, c'était pas vraiment fou, en fait, la vingtaine, trentaine de jobs que j'ai fait à l'époque. Est-ce que tu as un schéma de prédilection pour composer ? Un schéma, non. Ça peut être par la mélodie, mais rarement. Enfin, souvent, j'ai des très très bonnes idées de mélodie au pif, dans la rue, dans la douche, peu importe. Mais j'ai une mémoire qui est très sélective par rapport à ça et qui se perd souvent, donc j'oublie souvent ces idées. Donc je suis souvent, constamment avec une idée en tête, parfois un petit schéma. Mais je vais souvent partir de petits détails et improviser à partir de là. Et ça, justement, c'est peut-être là où le solfège manque vraiment. Parce que si j'ai une idée et un schéma, je peux au moins me dire, bon, j'étais parti sur tel accord pour partir là-dessus, pour changer de signature là. Et je saurai plus ou moins où je vais. Donc non, je peux commencer. Des fois, je me dis, j'ai rien. Je vais faire une ligne de batterie badass et moduler le tempo pour voir dans quel tempo je vais être. Ensuite, la basse viendra naturellement. Je suis assez bon pour vraiment poser des lignes de basse assez cool et rythmer au besoin. Souvent aussi une progression d'accords. Je bosse beaucoup en arpège aussi, surtout récemment. J'ai fait 2 albums en chiptune, donc le chiptune appelle un peu l'arpège. Donc souvent c'est ça. Mais ouais, non, c'est vraiment très aléatoire. On va dire qu'une séquence d'accords ou un arpège, c'est là où je vais le plus commencer un morceau, parce que c'est simple, c'est la solution de paresse, Mais en gros, si on a un arpège qui fonctionne, c'est facile à partir de cet arpège-là, à la limite en le changeant un peu sur les trois prochaines mesures, de partir sur quatre lignes de basse différentes, de poser ces quatre lignes de batterie et de poser des mini-breaks, là, varier un peu, et à ce moment-là, déjà de commencer à avoir une mélodie et quelque chose. Donc l'arpège ou la séquence d'accords fonctionne bien pour commencer. Ouais, c'est ça en fait, l'utilisation de l'arpège pour toi, c'est... Enfin, tu pallies un petit peu au manque de solfège que tu as l'impression d'avoir, et du coup, ça te permet de penser. Enfin, parce que là, tout ce que tu dis, ça me fait penser à nous, ce qu'on a vu, enfin, ce que j'ai bossé en solfège pendant des années, avec ces enchaînements d'accords qui sont super intellectualisés. Mais du coup, quand nous, on débarque et qu'on essaie de composer quelque chose à l'oreille, il y a quand même un grand manque, quoi. Et on a cette histoire, justement, enfin, c'est comme si tu avais une couleur en tête, et nous, on n'a pas la couleur, on a le. Je sais pas comment dire, mais on a la grammaire, quoi, mais après, on ne sait pas trop quoi en faire aussi. Mais c'est vrai que ouais, l'arpège, en plus, ouais, l'arpège, c'est que, bah, surtout dans la musique de jeux vidéo, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, un arpège qui va plus ou moins rester au moins pendant, on va dire, intro couplet, si on peut parler de couplet, etc. Et éventuellement être encore plus sublimé pendant le refrain. Du coup, ouais, c'est pas mal de l'avoir, et c'est très facile ouais, de trouver une belle séquence d'accords autour. Et, parce que finalement, les accords changeants, au final, donnent une couleur à cet arpège, alors qu'il reste quasiment le même tout du long. Est-ce que ta manière de composer, elle a changé aussi avec le temps ? Elle a changé sans changer parce que je reste encore quelqu'un, vraiment un compositeur pur souche de MAO, quoi. C'est-à-dire que mes grattes, elles ont pris la poussière, il faut que je les fasse réviser. Je gratte pas pour avoir de la vraie gratte en live. Mm-hmm. J'ai pas de batterie électronique. Mon clavier MIDI me sert juste à preview les sons, de voir ce que ça va donner, éventuellement chercher quelques accords moi-même. Mais j'enregistre rien en direct. Du coup, c'est un manque. Et d'autant plus que j'ai envie éventuellement de produire un album d'électro à un moment et de faire de la scène. Donc ouais, il faut vraiment, voilà, et solfège et surtout aussi performance, instrument. J'avais fait l'erreur à l'époque, quand j'ai gagné un peu d'argent avec tous mes contrats, d'acheter en même temps une guitare électroacoustique, une électrique, une acoustique, une basse et un clavier. L'assurance de ne progresser dans aucun des cinq. Donc voilà. Et si tu avais eu la possibilité, on te donne un orchestre, non peut-être pas un orchestre symphonique, mais un ensemble acoustique, est-ce que tu aurais eu des idées justement pour composer pour eux Composer pour de vrais instrumentistes, ouais, pour un orchestre, mais oui, ça serait absolument jouissif, parce qu'au final, je me suis retrouvé à faire des morceaux très épiques, style musique de film, etc., justement avec le luxe qu'on a maintenant d'avoir des librairies qui émulent pas mal quand même, qui permettent d'avoir un rendu... qui n'est pas encore fidèle à la réalité, mais qui s'en approche maintenant vraiment quand on a vraiment du gros matos et des très très grosses librairies et la connaissance pour pouvoir les exploiter. Mais ça sera jamais pareil. Moi, j'ai fait quelques morceaux où j'avais un violoniste qui jouait pour moi la ligne de violon et tout de suite, le morceau prend une autre ampleur, quoi. Thank you. coup, on va passer là, la dernière partie, on y est. Un peu plus du coup sur ce qui se passe actuellement et peut-être futur. Déjà, on t'a parlé d'un projet là, de 2 ans à qui tu parlais avec les développeurs. Tu peux nous en parler du coup un peu plus. C'est quoi ce projet? C'est quoi ce jeu? Alors, ce jeu, il s'appelle Bokida, B-O-K-I-D-A, et il est développé et conçu principalement par des Français. Mais ce qui est rigolo, qu'ils sont dispersés un peu partout dans le monde. En Asie, en Amérique, ici en Europe, on a une team de 6-7. Mais en gros, oui, c'est un jeu qui a été repéré, qui a été nominé à l'Independent Games Festival il y a 2 ans et qui est encore présenté là avec un autre build, qui va sortir vers la fin de l'année là. Et c'est un jeu, en gros, d'exploration avec des mécaniques de construction et destruction, style Minecraft. Mais un jeu qui est entièrement... quasiment entièrement monochrome, noir et blanc, très taoïste, yin yang, du blanc, du noir, et en gros, du coup mon boulot là-dessus c'est de faire une bande son cohérente, parfois évolutive, parfois statique, mais en gros j'ai déjà fait 2h20 de musique. Alors ensuite il y a beaucoup d'ambiance, donc en gros il y a des morceaux un peu plus mélodiques, des thèmes qui restent en tête, qui durent 5 minutes et qui bouclent. Et ensuite, vraiment des nappes d'ambiance plus contemplatives pour les grands espaces. Et là, on a des morceaux qui font 12 minutes avant de boucler, mais qui, du coup, ont été relativement rapides à faire pour leur durée. Là, c'est mon gros rush de la semaine à venir. Je fais aussi le sound design, donc faire vraiment tous les effets sonores, tous les triggers, les feedbacks, les machins. Et en eux, ensuite, je ne suis pas un vrai... Je ne suis pas non plus un ingénieur audio, c'est-à-dire en programmation, je suis une bille, donc ce n'est pas moi qui vais gérer tout l'aspect spatial sur un des compagnies, c'est eux qui vont gérer la réponse, qu'est-ce qui se passe si c'est en l'air, comment le son, comment la réverb est manipulée, comment la gestion du son dans l'espace est reproduite. Mais en gros, voilà, je dois faire une flow. En gros, sur le projet, j'aurais fait 100-150 effets sonores et 2-3 heures de musique, ouais. Donc ça, c'est en cours depuis 2 ans, c'est passé par plein d'alpha, c'était au début un jeu. Comme beaucoup des jeux indés, c'était plus un jouet ou quelque chose pour montrer une idée, une mécanique de gameplay. Souvent, les indés se démarquent plus par des idées de gameplay que par vraiment un concept de jeu fini avec une narration, etc. Tout ça, ça vient après. Et là, c'est en train d'être fait vraiment une narration, une ambiance... Un cheminement de l'histoire et du gameplay, un tutoriel, une fin, un début, un prologue. Donc on arrive sur les derniers mois de rush, et ça c'est fait avec des potes vraiment. Donc artistiquement on me laisse beaucoup de liberté, c'est cool. Et aussi c'est fait, tout le monde a foi en ce projet et tout le monde a accepté d'être sur un système de royalties, donc en gros j'ai pas été payé pour l'instant du tout, et à la fin on va mettre le jeu sur Steam Greenlight, donc avec ma notoriété de mon autre activité, je pense on essaiera de le faire passer, le faire greenlighter, et ensuite voilà, selon les ventes on se partagera les bénéfices qui seront sûrement pas énormes, mais bon voilà, c'est pour l'idée. Avec moi un cut qui est relativement petit mais plutôt généreux pour un Zikos sound designer, je pense que je touche 7% sur les bénéfices du jeu, les ventes. Tu parlais de ton autre activité, du coup, donc c'est streamer. Oui. À quel moment, en fait, t'as switché, en fait ? Il y a un moment où t'as fait les deux, ou t'as un moment où t'as juste arrêté la composition et t'es passé au streaming ? Oui, il y a eu un très court moment, je pense, où j'ai fait les deux, en fait. Moi, la chance que j'ai, c'est que ça soit autant compositeur que streamer. C'est que mes deux activités de branleur sont devenues mes métiers, donc c'est quand même assez chanceux. Ensuite, dans ces deux hobbies-là, j'étais vraiment possédé, ça a été extrêmement chronophage, j'y investissais beaucoup de temps. J'avais des petits boulots sur le côté, mais bon, clairement, j'avais envie de pouvoir vivre de quelque chose d'artistique. Et donc, non, en fait, il y a eu une période critique dans mon activité de musicien, où en gros, j'ai, comme tout un chacun, j'ai vécu une déception amoureuse dure, tapé une pure dépression, et j'ai fait n'importe quoi, et j'ai complètement droppé deux projets sur lesquels je bossais. Donc, faute professionnelle. En fait, le problème dans ces milieux-là, c'est que, que ce soit musique, comme je le disais, en musique, j'ai eu beau poster mon audiobook, entre guillemets, partout, et envoyer des centaines de mails de démarchage, j'ai jamais eu un boulot en contactant les gens. En fait, la trentaine de boulots que j'ai eu, c'est des gens avec qui j'ai bossé gratuitement ou en indé, ou avec qui j'ai changé à l'époque, qui sont souvenus de moi en disant « Xavier, il fait de la très bonne musique, ça va être cool, faudra le faire bosser avec nous ». Donc c'est des gens qui sont revenus vers moi, et du coup, le problème, c'est que voilà, c'est le principe du carnet d'adresses. Et en gros, quand... À partir du moment où j'ai merdé avec deux de mes employeurs principaux, ensuite je repartais plus ou moins de zéro, et c'était encore la croix et la bannière pour retrouver du taf là-dedans. Donc il est revenu, ce taf, mais beaucoup plus épisodiquement et plus pour le plaisir du coup qu'à l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu des regrets par rapport à ça, parce que j'ai vu tous mes potes d'IRC de l'époque, donc les Jake Hoffman, les Danny Baronowski, etc., même mon pote qui est en Finlande là, qui a fait Volgar, Ben Prunty qui a fait FTL et compagnie, Jeff Ball, justement, qui a fait du violon pour un de mes morceaux, qui a fait Tiny Barbarian DX, etc. De très très bonnes bandes son d'ailleurs. Et ça s'est calmé, donc la musique est vraiment redevenue du plaisir pendant un ou deux ans. Et du coup, oui, j'ai commencé à faire du podcast pour rigoler, etc. Et ça a été une ascension assez fulgurante quand même, parce que je suis passé de podcasteur anonyme, enfin caster sur un vieux site qui s'appelait eLive. Et ensuite, j'ai fait un peu de stream, et tout de suite, ça a été très vite des essais chez O'Gaming, Millennium, et puis voilà, enfin 10, 100 viewers, 6 mois plus tard 1000, 2 ans plus tard 5000. Donc ça a explosé très vite. Et ce qui est cool maintenant, c'est que du coup, je peux remettre le spotlight sur mon activité de musicien. Mm-hmm. Parce que quand on est musicien, finalement, c'est comme quand on est dessinateur, je pense, c'est très difficile d'avoir des retours actifs sur ce qu'on fait. C'est toujours un miracle quand on a un commentaire ou un like sur un site. C'est difficile de sortir l'anonymat, en fait. Donc là, c'était cool de pouvoir remettre le spotlight sur le fait que j'avais fait plus de 1000 musiques au cours des 10 dernières années. Et en plus, même je remets la musique dans mon stream de temps à autre. Voilà, toutes les semaines, je remets à jour justement le système de faire des compétitions d'une heure ou de deux heures. Donc quelqu'un du chat choisit le thème. Paf, le thème, ça va être l'érotisme dans un cimetière. Et paf, tout le monde se met à faire une musique pendant deux heures sur l'érotisme dans un cimetière, et on réécoute tout et on analyse ce que chaque musicien a fait. Donc voilà. Et puis du coup, avec le fait que j'ai pas mal d'audience maintenant, il y a aussi des gens qui me contactent de temps en temps, me disent est-ce que ça t'intéresserait de faire la musique, un générique pour mon truc, est-ce que tu aimerais faire, je bosse sur un projet de jeu. Je vais faire un court-métrage télé, est-ce que ça t'intéresse, Donc, il y a des offres qui reviennent, j'y réponds pas trop parce que j'ai pas de temps là en ce moment, mais je pense que justement là, reprenant mon indépendance bientôt, ça sera possible justement de jouir des deux activités, peut-être pas de manière équivalente. Je pense que maintenant la notoriété en tant que streamer est devenue trop grosse, donc ça va être mon activité clairement principale pendant 5-10 ans. Mais on verra après, mais la musique, ça me laissera du temps au contraire pour éventuellement fouiller ces lacunes en termes de musique, que ce soit solfège, instrument, ou m'intéresser à la scène, bosser avec des chanteurs, commencer à commissionner des gens aussi, faire un album avec une chanteuse, ça serait génial, etc. Voilà. Et tu parlais en plus justement de ce retour, l'avantage de faire de la scène, c'est que tu l'as directement en plus, ce retour-là. D'avoir enfin la reconnaissance de ses pairs, parce qu'on est en direct, et oui. Tu pourras profiter de ça aussi, je pense. La scène, ça, Ça a plusieurs avantages. Déjà, oui, c'est un retour direct, c'est extrêmement enivrant. J'aurais la chance en plus, enfin sans prétention, mais voilà, là, quand on commence un live set, etc., si on sort de l'anonymat, c'est une galère de très très longtemps. On peut tourner dans des bars avec 20 personnes pendant des années et des années. Et j'aurais la chance, avec l'audience que j'ai, de directement avoir des gens. Donc ça, c'est une chance incroyable. Mais surtout, en fait, bah, justement, j'ai fait trois scènes là, au cours des deux dernières années en tant que maître de cérémonie, pour présenter des concerts. Avec une première fois à la Mutualité avec Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda et Yoko Shimomura pour le concert où justement ça repassait sur leurs œuvres, quoi. Donc il y avait du Chrono, du Final Fantasy, du Xenogears, du Kingdom Hearts, etc. Enfin, c'est rien que des conneries, mais annoncer les choses, faire monter la hype, dire des vannes de merde et avoir le retour direct du public et communier avec même. C'est très bizarre, comme moi, quand je stream, par exemple, que j'ai 10 personnes ou 5000 personnes, mon émotion, elle reste la même. C'est-à-dire, je suis là, je m'amuse, je donne de l'entertainment, je suis content que les gens passent un bon moment, etc. Mais si t'as les gens en face de toi, enfin, qu'ils soient 10, 100 ou 1000, c'est tout de suite un retour humain qui est beaucoup plus fort. Ça provoque des souvenirs très particuliers. C'est forcément une bonne soirée, en fait. C'est rare, en fait. Cette émission d'OST est à présent terminée, on vous remercie de l'avoir écoutée. On remercie également très chaleureusement Xavier Dang de nous avoir accordé cette interview. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Twitch, MrMV, tout en minuscules. Pour nous retrouver, nous, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre page Facebook o.s.t, tout en majuscules, ainsi que sur le site podcloud.fr. Merci beaucoup Emeline de reprendre du service avec moi. Merci à toi Romain. On est reparti pour une saison, donc on vous donne rendez-vous le mois prochain sur les ondes de Campus. Bon week-end à tous. Salut !